c'était un mauvais rêve. Qu'elle a été continuée tourner parce que ça pas passé la main. On cherchait l'amour pour ne pas plaire du tout. On soleil qu'a clairé la terre, Dieu qu'a clairé moi. Pour côté Jaca, bouillé, si crier Jaca, chanter. On t'y va caresser corps, c'est l'amour qu'a dit ou levé. Moi savais que c'est pas facile, mais dès qu'elle n'y l'amour fou, que serait toujours malheureux, paré pour explorer. Savais même si ou pas là, on peut compter si fou. On voulait garder pour moi aussi, j'en dis. Chant this one. We say Jessica love the style. She love the Zuki dancehall style. She come from the east and she come from the west, and all she talk about is Zuki style. So when we come down with this new rhythm, it's something new and really sweet. Respect for Jessica. I'm just a shit on.